Cet autre diamant noir, le plus rare des diamants, taillé par une main habile et monté dans le chaton qui lui convenait, était apprécié par quelques employés ambitieux à toute sa valeur, qui voyaient la bête pour la première fois, frémissaient involontairement à l'aspect de la sauvage poésie que l'habile Valérie avait su mettre en relief, en cultivant par la toilette cette nonne sanglante, en encadrant avec art par des bandeaux épais cette sèche figure olivâtre, où brillaient des yeux d'un noir assorti à celui de la chevelure, en faisant valoir cette taille inflexible. Bête, comme une vierge de Cranach et de Van Eyck, comme une vierge byzantine, sortie de leur cadre, gardait la roideur, la correction de ces figures mystérieuses, cousine germaine des Isis et des divinités mises en gaine par les sculpteurs égyptiens. C'était du granit, du basalte, du porphyre qui marchait. À l'abri du besoin pour le reste de ses jours, la bête était d'une humeur charmante. Elle apportait avec elle la gaieté partout où elle allait dîner. Le baron payait d'ailleurs le loyer du petit appartement meublé, comme on le sait, de la défroque du boudoir et de la chambre de son amie Valérie. Après avoir commencé, disait-elle, la vie en vraie chèvre affamée, je la finis en lionne.